J'aime bien les voitures, j'aime manger des murs. J'aime même les voitures qui s'écrasent contre les murs. J'aime les petites pépées, leur corps à mes pieds. J'aime même les petites pépées quand elles ont des corps aux pieds. Oui, moi j'ai tout et jette rien. Oui, moi j'ai tout et jette rien. Et jette. Et j'aime bien le pâté, le sable mouillé. J'aime même faire des pâtés avec du sable mouillé. Et j'aime bien les grosses roues, j'aime bien les bignoles. Mais ce que je préfère, c'est les rognons sauce madère. Oui, moi j'ai tout et jette rien. Oui, moi j'ai tout et jette rien. Et jette. J'ai tout et jette rien. Non, jamais rien. Oui, moi j'ai tout.